Mosaïque. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans cette émission Mosaïque. Pacifique Chubahiro est à l'animation. Jérôme Nyonzima assure la réalisation. Eric Wimana est à la technique. Le système monarchique au Burundi a connu plusieurs rois qui se sont démarqués des uns et des autres. Parmi ces derniers, il y a le roi Mwezi Gisabo, décédé le 21 août 1908, il y a exactement 110 ans. Le monarque Gisabo a usé de son pouvoir et son intelligence pour défendre l'intégrité du territoire contre l'invasion des Allemands. Après plusieurs combats, le roi Mwezi Gisabo sera contraint de signer le traité de Kiganda qui marque le début de la colonisation allemande. Plusieurs historiens décrivent le roi Mwezi comme un monarque qui s'est beaucoup donné pour le bien de son royaume, malgré qu'il ait connu plusieurs crises. Bref, un roi, un dirigeant et père d'une nation dont le récit pourrait inspirer les hommes qui aspirent ou qui sont au pouvoir aujourd'hui ou dans l'avenir. Y aurait-il un héritage du monarque Mwezi Gisabo au Burundi ? Le roi Mwezi Gisabo pourrait-il encore inspirer les politiciens burundais ? Que faut-il faire pour que Mwezi inspire les leaders politiques au Burundi ? Pour en parler, nous avons trois invités au studio. Nous accueillons l'ambassadeur Guillaume Luzovio, en même temps président du parti monarchiste parlementaire du Burundi, PMP en sigle. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour monsieur Chubahiro. Nous accueillons également honorable Pierre-Célestin Dikumana, député élu au sein de la coalition Amizero Burundi et président du groupe parlementaire de cette coalition. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci de l'invitation. Parmi les invités, nous accueillons également Aloïse Batungwanayo, historien et chercheur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup pour m'avoir invité et bonjour messieurs les journalistes. À vous tous qui êtes à l'écoute de l'émission Mosaïque, nous vous souhaitons encore une fois une bonne réception. Mosaïque. Sans tarder, Aloïse Batungwanayo, en tant que chercheur, historien, qu'est-ce que nous pouvons garder de par l'histoire sur Mwezi Gisabo ? De par l'histoire du règne Mwezi Gisabo, il faut reconnaître que c'est le plus long règne qui a eu lieu au Burundi dans l'histoire de la monarchie au Burundi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Mwezi Gisabo fut un roi qui a connu beaucoup de difficultés. Il est l'un des rares monarques et être confronté à des rébellions les plus farouches internes, mais aussi soutenues par les externes. D'ailleurs, je dirais que avec le règne de Mwezi Gisabo, ce fut la toute première fois où on a eu des rébellions internes, mais qui sont soutenues de l'extérieur. Parce que il y a eu Machoncho, dont on dit que c'était le gendre du roi. Il y a eu Kilima, qui revendiquait le trône de son père, parce que Kilima est l'un des fils de Donald Rugamba, qui est né à Uvira. Alors, deux personnes, deux rebelles, qui ont revendiqué le trône de Mwezi Gisabo et qui ont été soutenus par les Allemands. Il a été confronté également au problème de la traite négrière au sud du pays, mais ici à Bujumbura, dirigé par la personne connue sous le nom de Rumaliza, l'arabe Mohamed bin Khalfan, qui a été vaincu à Rumonge et puis qui s'est réfugié à Uvira, mais qui a continué à faire la traite négrière, à acheter les Burundais, les plus robustes, il faut le dire, et à acheter les Burundais pour les vendre en Occident. Donc, des problèmes, mais aussi des hauts faits. Mwezi Gisabo fut un homme intègre. Un homme intègre parce qu'il a vu le danger de la déchéance de la monarchie burundaise et il a été contraint ou il a accepté, malgré les difficultés, à négocier avec l'Allemand pour céder une partie de son territoire. À défaut, il allait tout perdre, mais il a accepté de céder une partie de Muramvya et une partie de Bukeye qui ont été donnés à Kirima et Machoncho. Donc Moïse Gisabo a vu le danger de la déchéance de la monarchie. Il a dit, au lieu de tout perdre, j'accepte de perdre une partie du pays. Donc voilà les hauts faits qui ont marqué Moïse Gisabo. Mais aussi, il faut dire que c'était un patriote qui a refusé, sur conseil de ses Banyamabanga, de brûler la Kiwira. La Kiwira existe depuis des années et des années. Et comme les rebelles, surtout Kirima qui avait son QG, son quartier général dans la Kiwira, il y a eu certains conseillers du roi qui avaient demandé de brûler la Kiwira afin de bouter dehors Kirima. Mais d'autres, surtout les Bafoumou, les Banyabwenge, comme on aime le dire, lui ont dit Monsieur ou Excellence, Monsieur le Roi, faut pas brûler la Kiwira, parce que la Kiwira, c'est toute une vie du Burundi. Et sur conseil, il a accepté de ne pas brûler la Kiwira, malgré que cette forêt héberger les rebelles. Sur cet aspect, ils se comportaient comme des environnementalistes. Environnementalistes, franchement, ils devraient avoir un titre d'honneur à titre posthume. Mais aussi, il a été caractérisé par d'autres difficultés, les dissensions meurtrières entre la dynastie Ganoa, entre les Bézi et les Batare. Mais aussi, il ne faut pas le cacher, il a été confronté à un problème de massacre. Parce qu'il a donné le feu vert aux Allemands pour liquider Kirima et Machoncho. C'est-à-dire que, d'une part, le traité de... On parlait de massacre à ce niveau ou d'élimination physique de certaines personnes qui gênaient. Non, parce que Kirima n'a pas été tué seul. Mmh. Kirima d'abord a été déporté au Malawi. Et puis, avec d'autres. Machoncho n'a pas été tué seul. C'était avec ses lieutenants. Alors, moi, je dirais, il a signé un traité de paix d'Okiganda, mais en partie, il a demandé la violation de ce traité de paix pour certains aspects, entre autres, demander encore que les régions qu'il avait perdues, de Muramvya et Bukeye, lui reviennent. Parlons d'enfin stratège. Enfin stratège, franchement, un politicien. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Ambassadeur Guillaume Mwezi se distingue-t-il d'autres rois qui ont dirigé le Burundi? Le roi Mwezi Gisabo est une figure très emblématique du royaume du Burundi. Par ses vertus, ses qualités, il a démontré des valeurs qui devraient nous servir d'exemple, qui devraient nous servir d'exemple même aujourd'hui. Des valeurs de bravoure, de patriotisme, des valeurs de sagesse, dans la mesure où il était entouré de Bashinganahe qui l'écoutaient et qui l'ont même poussé jusqu'à un certain moment à pouvoir faire le traité de Kiganda avec les Allemands. Mais aussi des Bashinganahe qui, tous ensemble, avec tous les Barundis, se sont levés ensemble pour essayer de combattre l'envahisseur tel qu'il était. D'abord l'envahisseur arabe qui a été heureusement vaincu, mais aussi l'envahisseur allemand qui n'a pas pu être vaincu parce qu'il avait une puissance de feu beaucoup supérieure à l'arabe. Mais de toute façon, Moïse Gisabo est un roi, dans la mémoire populaire, est un roi très respecté dans la tradition burundaise. Par toutes ces valeurs-là. À l'interne, au niveau de la dynastie Gano, il n'aurait pas une valeur ajoutée. Il a une valeur ajoutée dans la mesure où vous savez, du temps de son règne, il venait de succéder à son père, le roi Ntarirugamba. Et sous cet aspect-là, il n'a pas du tout montré des signes de velléité d'élimination des chefs qui étaient à ce moment-là avant son règne. Mais vous savez, dans tout pouvoir, il y a toujours cet aspect de la lutte pour le pouvoir. C'est inévitable. Que ce soit au 16e, au 15e, au 21e siècle, il y a toujours l'aspect lutte pour le pouvoir. Et c'est ça, en réalité, dont le professeur a parlé en parlant de la question des Bézi Batare. Les Bézi étaient en clan, les Batare étaient en clan, les Bézi étaient en train d'être évincés par le nouveau roi qui avait l'intention de mettre ses fils qui étaient des Bézi, vous comprenez. Alors, de là est peut-être née une dissension. Et à côté de cela, il y a eu des rébellions son beau-fils, Machoncho, peut-être était trop imbu de sa personne et qui a voulu, à un certain moment, prendre trop de place à la cour du roi et qui, bien vous comprenez que le roi, et ainsi que tous ces les Machinganas ne pouvaient pas lui le permettre. Et quand les Allemands arrivent, quand ils se mettent du côté des Allemands, et quand Kirima aussi, qui est son fils, se met du côté des Allemands, vous comprenez que les Barondis considèrent ces deux personnes comme des personnes qui veulent se rébeller contre le pouvoir du roi. Et quand ils ont été évincés, quand ils ont été là en relégués du côté du Malawi, de l'autre tués, je crois que c'est de bonnes guerres. Ce sont des choses qui arrivent dans tous les régimes. En tout cas, beaucoup de mérite et de respect de la part du roi Mwezi Gisabo. Je me retourne du côté de l'honorable Pierre Célestin Dikoumana. En tant que politicien actuellement, avez-vous gardé l'héritage de Mwezi Gisabo dans votre combat politique? Bon, ce que je dois dire, ce que je garde de cet héros roi, Mwezi Gisabo, c'est trois choses. La première chose, c'est qu'il a pu quand même consolider ou sauvegarder les acquis de son père. Et là, je vais dire le roi Ntalerugamba Rutaganzwa qui avait vraiment lutté, qui avait considérablement agrandi le pays. Vous savez, le Burundi d'avant Ntalerugamba, c'était juste deux provinces, quelque chose, Muramvya, Mwaro et une partie de Gitega. C'était vraiment très petit. Alors, après sa mort, après la mort de ce Ntalerugamba, c'est Mwezi Gisabo qui vient. Et la première chose que j'apprécie, c'est quand même qu'il est parvenu à sauvegarder les acquis de son père, à sauvegarder les frontières. Et bien sûr, les territoires occupés, annexés par son père, il a pu quand même défendre ça, à l'exception, bien évidemment, de la région de Bougoufi qui appartient actuellement à la Tanzanie. Sinon, pour le reste, il y avait ça, c'est évidemment. Après lui. C'est après lui, bien sûr, c'est après lui. Donc, lui, il avait quand même essayé de lutter, de combattre les envahisseurs, parce qu'il y en avait, même le Rwanda, le Congo et la Tanzanie, il y avait des attaques après la mort de son père. Mais lui, il a quand même pu résister farouchement contre ces envahisseurs et il a pu sauvegarder les frontières que son père avait établies. Deuxième chose, et ce qui est encore très important, c'est que c'était un homme qui savait apprécier la situation, qui savait évaluer la situation. Et qu'est-ce que je vais dire? C'est quelqu'un qui pouvait quand même écouter et recevoir les conseils et les mettre en pratique. Et qu'est-ce que je vais dire encore une fois pour être plus explicite? Vous savez, il avait vaincu beaucoup d'ennemis, dont les Arabes, comme les autres l'ont dit, avec la traite arabe, il a pu résister. Quand les autres pays se laissaient faire, le Burundi a pu quand même se démarquer sous son règne parce qu'il avait une armée unifiée et forte. Mais quand même, à un certain moment, quand il a été attaqué par les Allemands, à premier coup, il avait eu des victoires, même des victoires appréciables. Mais après, il y a eu quand même une certaine, affaiblissement de son armée par les Allemands qui venaient avec des armes automatiques, des mitrailleuses, etc. Très sophistiqué par rapport aux armes des Arabes. Ouais. Et il a pu apprécier la situation. Il a vu que finalement, il ne fallait pas trop résister. Il a fui vers le sud. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait d'avoir fui, c'est le fait d'avoir bien apprécié la situation et le fait d'accepter les conseils de ses fils. Il avait deux fils qui se sont réunis et qui l'ont convoqué quand même pour lui dire: mon père, il faut faire attention. Il s'agit de Ntarugera et Rugema, mais aussi une mission de missionnaires de la paroisse de Mugera. Il venait lui dire: mon cher ami, les choses ont changé, il faut rectifier le tir. Alors, il a accepté conseil et il a finalement accepté de négocier. Et la négociation, comme les autres l'ont dit, a abouti bien sûr au traité de Kiganda. Il y a eu bien sûr des hauts et des bas, mais quand même, il a pu sauvegarder sa place comme roi. Même s'il n'avait pas vraiment beaucoup de puissance comme avant, il a pu bien négocier. Je dis bien négocier par rapport à ce temps-là. Parce que rester roi sous la domination étrangère, c'était quand même quelque chose de très ruse, de très intelligent quand même. Ça, c'est appréciable. Une troisième chose que je peux garder de lui qui m'intéresse, c'est quand même, il avait su cultiver ou du moins imbiber au Burundais un esprit patriotique. Bon, souvent on évoque un certain Birome qui est mort déguisé en roi juste pour protéger le roi. Et en fin de compte, pour protéger le royaume, parce qu'il ne fallait pas que le chef, le commandant suprême de l'armée, Debadasigana, soit tué. Il s'est sacrifié, mais ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est quand même, il y avait une certaine éducation populaire qui allait dans le sens de pouvoir se battre pour son pays. Et c'était bien sûr l'élève de son père aussi, Ntarugamba. Il a continué dans la même ligne que son père. Il a amélioré parce qu'il pouvait quand même apprécier les situations. Mais comme pour chaque homme, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des choses quand même qui l'ont échappé un peu, qui ont probablement même précipité sa chute. Il n'a pas su gérer les conflits internes. Donc la rébellion de Machoncho et Kirima, qui finalement, comme il n'y avait pas de solution pacifique, se sont ralliés aux Allemands quand ils ont attaqué. Donc les Allemands ont soutenu Kirima et Machoncho parce que le conflit interne n'avait pas été vidé. Ça, c'est quand même une faille de sa part. Une autre faille, c'est quand... Mais c'est quand même toujours avec les Allemands qui ont participé à la dissolution de ces gens qui s'étaient rebellés contre le roi. Non, ils ont soutenu les rebelles. Ils ont soutenu les rebelles qui étaient là. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Oui, bien évidemment. Mm-hmm. Parce que là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces rebelles-là? Parce que pour qu'il y ait des rébellions, c'est quand même des rébellions naissent des frustrations. Malgré ses efforts de consolider la société, malgré ses efforts de pouvoir unifier les gens pour pouvoir vaincre les envahisseurs, il y a eu quand même ce faille de pouvoir bien gérer cette question-là. Et qui finalement a été, je dirais, la première lancée de sa chute. Parce que quand les Allemands ont soutenu Kirima et Machoncho, donc l'armée burundaise n'a pas pu faire face à ça. Parce qu'il y avait aussi des gens qui maîtrisaient aussi les Burundais, qui pouvaient savoir quoi faire et comment le faire, et qui maîtrisaient le terrain. Et vous comprenez quand même que la lutte devenait de plus en plus difficile parce qu'il y avait des Burundais aussi qui le combattaient. Bon. Autre chose qui est quand même à signaler, il n'a pas su aussi corriger certains dérapages qui étaient dans la fête de Boganduro, etc., des pratiques qui pouvaient même arriver à ce que les gens perdaient leur vie et par voie de conséquence, créer des frustrations. Donc, c'est normal, tout homme assez haut et assez bas, il a eu des succès, il y a eu aussi des failles, c'est normal. Ces voilà. Succès, est-ce que ça vous inspire en tant que politicien? Mais bien évidemment, ça nous inspire, il faut rester courageux malgré les différences, malgré les envahisseurs, je mets entre guillemets, parce que les envahisseurs sont toujours là. Si quelqu'un, par exemple, prenait l'exclusion, nous devons lutter contre ça, parce que tous les Burundais doivent avoir, ce sont des citoyens burundais, tout le monde, doivent avoir les mêmes droits, dans les États, dans les pays. Apprécier la situation, s'adapter à la situation, ce sont des choses importantes auxquelles on ne peut pas se tourner le dos. Donc il faut savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire, comme il l'a fait. Hein. En négociant, il a vu que quand même, s'il ne négociait pas, il pouvait perdre le royaume, mais aussi perdre sa vie. Par voie de conséquence aussi, ses militaires étaient menacés, étaient sous menace de disparition. Comprenez? Et en politique, nous avons gardé ça, nous savons apprécier quoi faire, quand le faire et comment le faire. Là, je ne vais pas dire nous faisons ceci pour ceci, pour ceci, mais c'est vous parler justement de principe purement et simplement. Il a eu un long règne, mais ça ne peut pas inspirer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un système de mandat. Mais son long règne, ce n'était pas un problème parce que c'était comme, organisé comme ça. C'était légitime. C'était légitime. La dynastie était organisée comme ça. Et donc, un fils succédait à son père après la mort de son père. Et s'il advenait que le fils soit mature pour diriger le pays et que le père est toujours là, il se suicidait carrément, purement et simplement pour laisser la place à son père. Donc, le long règne, là, c'est normal parce que c'était le principe. La dynastie était organisée comme ça. Mais quand même, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui peut inspirer. Hein, c'est quelque chose plutôt qu'il faut bannir parce qu'il faut qu'il y ait alternance, si on peut le dire ainsi. Il faut qu'il y ait des mandats. Les mandats sont limités parce qu'il ne faut pas trop se fatiguer. Et à la fin, on risque de s'épuiser. Merci, chercheur Aloïse Batungwanayo. Un roi, il y a plusieurs années qu'il est décédé, peut inspirer un politicien actuel. Pourquoi ne pas inspirer? Normalement, dans chaque société, une société qui n'a pas une histoire n'est pas une société. Donc, pour savoir d'abord le contexte dans lequel une société se trouve, la dite société doit être consciente de son histoire. Il y a trois pas chaque fois dans le phénomène de la vie. Il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. Qu'est-ce que je vais dire? Un roi au Burundi, le royaume, ça fait partie de notre passé, ça fait partie de notre histoire. Et c'était un système politique. Pour moi, je dirais, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous sommes dans un système politique républicain. Nous ne sommes plus dans la monarchie. Où est-ce que nous allons? Est-ce que demain, on sera toujours dans le système républicain? Probablement oui. Probablement non, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé. Mais il y a certains qui disent que même si on évolue dans un système républicain, certaines autorités voudraient se comporter comme des princes. Non, ce n'est pas certaines autorités. Normalement, lorsque vous analysez très bien, les psychologues pourront nous le dire ou le sociologue, nous tous, nous avons la mentalité royale, nous la vivons jusqu'à aujourd'hui. L'absolutisme humain, ici même, dans moi qui vous parle, dans l'honorable, dans l'ambassadeur, vous-même, à un certain moment, l'absolutisme, on a toujours besoin d'un absolutisme. À la maison, on a toujours tendance de ne pas reconnaître ce que la femme dit ou ce que l'enfant dit. On a toujours tendance à dire non, il faut que je sois respecté comme supérieur. Lorsque nous élisons l'honorable Célesté Anneli, lorsque nous élisons les administrateurs, c'est nous-mêmes qui, après leur investiture, nous allons nous prosterner devant eux. Alors que normalement, dans le système électoral, un administrateur, un ministre, c'est un serviteur. Donc, c'est-à-dire que nous avons toujours une mentalité royale, sans le savoir. Ce n'est pas donc certaine, mais nous avons cette mentalité. Alors, pour moi, c'est une bonne chose de retourner en arrière et voir quelles sont les bonnes pratiques qui étaient sous la monarchie et de voir quel était le contexte. Et aujourd'hui, voir est-ce que ces bonnes pratiques peuvent nous inspirer aujourd'hui dans le système de gouvernance. Et il y en a. C'est par exemple cet esprit de dialogue, par exemple. C'est cet amour du pays. C'est cet esprit environnementaliste. Parle de dialogue alors que Moïse Guissaoua a négocié. Ben, aujourd'hui, ça porte confusion quand il faut parler dialogue et négociation. Là, lorsque vous allez dans ces terminologies, peut-être on ne pourra pas s'en sortir. Mais après tout, c'est qui négocie dialogue? Parce que c'est un échange. Moi, je dirais dire dialoguer ou négocier, pour moi, c'est vraiment des terminologies qui ne doivent pas diviser les gens. Mais c'est ça. Mais l'important, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est ça, en fait. Faut-il garder cet esprit solègue d'esprit de dialogue ou de négociation, si vous voulez? Ça dépend de ce qui nous écoute. Ou du contexte. Et pour moi, l'esprit patriotique, Moïse Guissaoua, qui a vu le danger et qui a accepté d'être humilié, céder une partie de son territoire pour tout au moins garder la royauté, parce que la royauté était en danger, était menacée. Et la royauté était menacée parce que c'était des valeurs. Si Moïse Guissaoua avait été remplacé par Kilima ou Machoncho, alors que dans les valeurs ancestrales, un roi, je dis bien dans les valeurs, ce qui n'était pas vrai, un roi naissait avec les semences. Et si Machoncho avait pris le pouvoir, alors que dans la croyance des Burundais, ils savent qu'il n'est pas né avec les semences. C'est-à-dire que c'était la déliquescence de la culture burundaise, de la société burundaise. Et si Moïse Guissaoua avait détruit la Kiwira, ben, c'est détruit toute une nation, parce que non seulement c'est la Kiwira qui nous amène la pluie, mais aussi c'est là où la Kiwira, c'était l'hôpital burundais. C'est là où les sorciers allaient chercher des médicaments pour guérir les Burundais. Donc voilà, en fait, avoir un esprit, j'allais dire nationaliste, un amour patriotique. C'est ça qu'il faut copier et voir ce qui n'ont pas été bien fait pour que ça nous inspire, pour que nous ne puissions plutôt pas tomber dans les erreurs dans lesquelles Moïse Guissaoua est tombé. Passe la parole à l'ambassadeur Guillaume Elzovio. Votre parti, vous militez pour un retour du pouvoir monarchique. Et on parle de certaines valeurs d'ailleurs qui pourraient guider les dirigeants actuel. Pensez-vous que évoluer dans le système monarchique pourrait encore remémorer les valeurs connues du temps de la monarchie? Je vous remercie. En réalité, le parti monarchique parlementaire tire sa légitimité de la Constitution de la République du Burundi en son article 4, qui accepte que le retour de la monarchie pourra avoir lieu par référendum et que tout parti qui milite pour le retour de la monarchie peut exercer librement ses activités. Vous savez que cet article 4 de la Constitution tire aussi sa légitimité de l'accord d'Arusha, dans lequel il est aussi repris que les partis et la monarchie peuvent fonctionner. Donc, ce n'est pas une invention, ce n'est pas quoi, c'est légitime. Le parti a été agréé en 2005 et il a ses objectifs. Il est composé par tous les composants de la nation, les Bahoutous, les Baganois, les Batoussi, les Batois, tout le monde est dedans. Je pense que militer pour le retour de la monarchie ne peut pas être considéré comme, je ne sais pas moi, anachronique ou quoi que ce soit. Parce que dans l'histoire... À ce niveau, ça ne devrait pas se fonder sur la dynastie Gan. Non, ça, ce sont les détails de ce retour de la monarchie. Ça, ce sont des détails, mais je voudrais parler des principes, pas des détails de... que cette monarchie se fonde sur ceci ou cela. Je dis que le retour d'une monarchie au Burundi, ce ne serait même pas extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont retournés à la monarchie alors qu'ils étaient des républiques. Ici, je peux vous citer des pays d'Europe comme l'Espagne, comme l'Angleterre, où ils ont tué le roi, mais après, ils sont tombés dans une longue période de guerre. À la fin, ils se sont dit, écoutez, la seule façon de sortir de ces guerres, c'est d'amener un roi. Ils ont amené un roi. En Espagne, c'était après l'ère Franco, un dictateur qui a régné pendant plus de 30 ans. Quand il est mort, les Espagnols ont trouvé qu'il n'y avait pas autre chose à faire que de ramener le roi. Et en Europe, nous voyons beaucoup de pays qui sont des monarchies. La Belgique, pays scandinaves. En Afrique, il y a beaucoup de rois qui ont été légitimés. Donc, ici, je voulais vous dire qu'il ne faudrait pas considérer le parti monarchique parlementaire comme un truc, un événement anachronique ou illégitime. Il est d'abord légitime, il n'est pas anachronique, et puis aussi il a des valeurs pour lesquelles il mérite et qui, à la fin, apportent une certaine stabilité à la place des convulsions qu'on voit tout le temps dans la République. Mais si le système monarchique voudrait être un remède par rapport à ce qui pourrait ne pas bien se conformer par rapport au système républicain, est-ce que même dans l'OTAN, il s'est prouvé qu'il y avait également des problèmes? Mais il n'y a aucun pays, il n'y a aucun régime, aucun système qui ne possède pas de problème. Tous les systèmes politiques doivent lutter pour leur survie et pour des problèmes qui existent. Il n'y a aucun système aucun système politique qui ne possède pas des problèmes. Ça n'existe pas. Donc, c'est plutôt les valeurs pour lesquelles les valeurs qu'on prône qui doivent être mises en avant. Mais évidemment, la première valeur qui doit être en avant, c'est la valeur, contrairement à ce qu'on croit, la valeur démocratique. Le parti monarchique est un parti parlementaire, c'est-à-dire qui accepte les élections à certains niveaux, vous comprenez? À certains niveaux, il faut qu'il y ait la séparation des trois pouvoirs. Et la stabilité découle de ce fait que, en fait, la lutte n'est pas pour le sommet. La lutte politique se déroule au niveau des deux autres pouvoirs. Et c'est même un gage de stabilité. Voilà. Mais tant qu'il y a ce système républicain, nous focalisons aujourd'hui sur des valeurs qui ont marqué certains rois qui ont dirigé le Burundi. Avant de pouvoir militer pour le changement du système républicain, pour la monarchie, quelles sont d'autres valeurs peut-être qui pourraient inspirer les dirigeants d'aujourd'hui qui ont caractérisé les monarques burundais de l'époque? D'abord, je voudrais que nous, les politiciens, nous ne puissions pas nier notre histoire. Que le passé doit nous servir, doit nous inspirer, doit nous servir d'expérience, notre passé. En fait, nous devons être fiers de notre passé, tout en n'oubliant pas que ce passé possède aussi des défauts. Donc, ce passé des rois, il y en a qui tiennent absolument à le dénigrer, à en faire un système qui n'est pas viable aujourd'hui. Mais moi, je vous dis que Monsieur Batongane ne veut pas démentir. Monseigneur Gourjou, quand il est arrivé au Burundi, il s'est extasié sur le système de gouvernement qu'il a trouvé au Burundi. Il a dit, c'est un système qui n'a rien à envier au système, à notre système européen. Il a trouvé un État-nation. Un État-nation qui avait des barrières contre les exactions, contre l'impunité. Il y avait une armée bien assisté, des chefferies bien dirigées, des tribunaux depuis la colline jusqu'au sommet, et un certain respect du peuple. Donc il a dit, je n'avais jamais vu un système aussi organisé que le système que j'ai trouvé au Burundi. Nous sommes au 19e siècle, donc pour vous dire qu'en réalité, le système monarchique, il possède beaucoup de qualités, mais je ne dirais jamais qu'il n'a pas de défauts, comme tout régime politique. Notamment ceux qui se sont illustrés par rapport au règne de Moïse Gisabo évoqué par l'honorable Pierre. Qui parle en fait, ce sont des gens qui se sont rébellés contre le pouvoir du roi, Machoncho et Kilima. Machonjo qui prétendait à la succession. Il disait que c'est le fils aîné du roi Ndarugamba. Machonjo qui avait reçu la fille du roi. Et à un certain moment, il a vu trop gros. Je ne sais pas s'il voulait devenir le roi à la place du roi Mwezi. Mais quand les Allemands sont arrivés, tantôt, ça a dépendu de la politique du résident en ce moment. Le premier résident qui a obtenu le traité de Kiganda, il a favorisé Machonjo Kirima. Mais le second, il a voulu favoriser l'unification du Burundi en éliminant Machonjo Kirima. Bien sûr, ça devait plaire au roi. Et c'est la réponse que je voulais apporter à l'honorable. C'était également son souhait. C'était son souhait, bien sûr. C'est aux demandes explicites. Oui, c'était son souhait. Et évidemment, tout à fait normal, il voulait récupérer les terres perdues. Quand il a vu Machonjo éliminé et Kirima relégué quelque part au Malawi, vous comprenez qu'il était très content. Donc, on peut appeler ça défaut, on devrait plutôt appeler ça la lutte pour le pouvoir. Ça arrive depuis que le monde est monde, depuis que le monde existe. Tous les régimes luttent pour leur survie, vous comprenez. Mais l'important, et moi ce que je trouve, ce qui est important, c'est cet aspect du peuple burundais qui est resté uni derrière le roi, qui a combattu avec vaillance les Arabes qui les ont repoussés, qui n'ont pas pu repousser les Allemands parce qu'ils étaient trop bien armés. Mais c'est cet aspect-là de patriotisme que le roi Mwezi Gisabo symbolisait. Cet aspect patriotique d'unité, l'unité qui faisait que tous les jeunes gens allaient à la guerre indistinctement des ethnies. Les Baganois, les Bahutus, les Batutsi, et je crois les battre. Tout le monde prenait sa lance et ils tombaient comme des mouches. Ils mouraient beaucoup. Mais ils mouraient pour le pays, pas pour une frange du pays ou quoi que ce soit. Donc, je dis que ça devrait nous servir d'enseignement. Ça devrait nous servir d'enseignement et surtout, il faudrait que nous, les politiciens, nous évitions de falsifier l'histoire. D'en faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se remarque, c'est quoi? C'est que si l'on connaît ceci ou cela, on veut présenter une histoire qui plaise à une opinion. Et c'est ça le problème. Il faudrait ne pas vraiment accepter de falsifier l'histoire. Et aussi, ne pas, par exemple, prendre exemple sur l'histoire de nos voisins. L'histoire du Rwanda, c'est l'histoire du Rwanda. L'histoire du Burundi n'est pas l'histoire du Rwanda. Donc, nous ne devrons pas nous inspirer de ces aspects-là. Reconnaître les défauts, mais aussi reconnaître les qualités. Ne pas vraiment falsifier. Et monsieur le professeur a parlé de la mentalité monarchique des Burundais. Depuis le ménage jusque... Au niveau du sommet de l'État. Oui, il n'est pas le premier. Je connais même un chef d'État burundais qui a dit « Fais attention, les Burundais sont des monarchistes dans leur cœur. » Donc, ils aiment la stabilité. En fait, la monarchie symbolise une certaine stabilité. Vous l'aurez sans doute compris, l'émission c'est Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattons autour de l'héritage de Mwezi Gisabo, 110 ans après sa mort. Dans notre studio, nous sommes avec trois invités. Nous sommes avec l'ambassadeur Guillaume Ruzovio, président du parti monarchique et parlementaire du Burundi. Nous sommes également avec honorable Pierre-Célestin Ndikumana, président du groupe parlementaire de la coalition Amizero Yabarundi. Dit également, nous sommes avec Aloïse Batungwanayo, historien et chercheur. Honorable Pierre Célestin, on parle des exploits des rois, notamment de Mwezi Gisabo. Y aurait-il des obstacles auxquels pourraient se heurter les politiciens actuels pour s'en inspirer? Bon, oui, il a eu des hauts comme il a eu des bas, comme je l'ai dit avant. De prime abord, je voudrais d'abord réagir sur les propos de mes collègues ici. Quand on a parlé d'absolutisme qui est dans chaque homme, là, il faut faire attention. C'est dans le sang de Burundi. Il faut faire attention parce que tout ce qu'on ressent comme besoin n'est pas nécessairement positif. C'est la raison pour laquelle il y a la personnalité qui doit être là pour filtrer, pour tamiser ce qui est positif et ce qui est négatif. Sinon, il ne faut pas confondre aussi l'estime de soi et l'absolutisme parce que chaque homme a besoin d'être respecté dans ses droits. Mais en échange, il doit savoir que le même besoin qu'il y ressent, les autres aussi ressentent la même chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à nuancer. Moi, je voulais parler du refus d'être contredit. pas le respect. Oui, ça c'est vrai. Mais bien sûr, il faut faire attention parce qu'évidemment, c'est aussi à nuancer. On peut être contredit par quelqu'un qui amène quelque chose de valeur ajoutée, de positif. Oui. Qu'il faut recevoir. Il ne faut pas être absolu et dire, bon, moi, j'ai donné l'idée, ça, c'est absolu, c'est vraiment définitif. Donc, il faut avoir cette souplesse. Comme Mwen Zigisawo aussi avait cette souplesse, qui a su évaluer la situation et dire, bon, après les conseils de ses deux fils, il dit, bon, oui, voilà, ce que vous dites est vrai, je vais négocier. Donc, des fois, il faut faire attention avec ce genre de choses. Mais il y a aussi mon frère qui parle de... Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas les Mwen Zigisawo au niveau de la gestion de la chose publique? Mais des valeurs positives de Mwen Zigisawo, il y en a, mais il faut bien sûr... Comme il y a des valeurs négatives de Mwen Zigisawo. Bien évidemment, mais il faut adapter chaque situation et chaque période. Parce qu'il y a des choses qui étaient négatives, qui étaient positives probablement dans le passé, mais qui aujourd'hui sont négatives. Par exemple, les croyances obscures qui étaient autour de Muganura, etc. Ce sont des choses qu'on ne peut pas ramener aujourd'hui. Mon frère aussi, Rousseau, a parlé aussi de la légitimité, que tout régime doit lutter pour sa survie. J'en conviens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut mesurer, il faut bien voir, il faut bien doser quel type de lutte. Parce que les systèmes qui ont duré, comme l'Empire romain, c'était des systèmes qui étaient stables et qui ne créaient pas beaucoup de frustrations. Mais à un certain moment, quand les frustrations montent, si ça monte, si les choses négatives deviennent plus nombreuses que les choses positives, ça c'est la révolution, ça s'opère une révolution pure et simple. Donc on lutte pour sa survie, on lutte pour la survie de son système, de son pouvoir, tout en respectant aussi l'autre. Ça, c'est vraiment une valeur. Mais par rapport justement à la question que vous posez... Il a également parlé du retour de la monarchie comme une solution. Je voulais justement... Je voulais en arriver là. Sous différents pouvoirs... Je voulais en arriver là parce que bon, c'est même la question que vous avez posée sous une autre angle. Mmh. Bon, la royauté a existé. Ça, c'est indiscutable. Mais il y a des choses qu'il faut garder de cette royauté-là, des valeurs positives, des valeurs d'héroïsme, comme nous l'avons vu, les valeurs de cohésion sociale, de fraternité pour lutter pour une cause commune, comme l'a fait Mwezi quand il prenait son armée pour aller défendre le pays, pour aller chasser les envahisseurs. C'était vraiment impeccable. Ce sont des choses vraiment qu'on peut garder, auxquelles on peut s'inspirer justement pour gérer le pays. Mais le régime... La royauté est un système du passé. C'est un système du passé. Pour le cas du Burundi. Pour le cas du Burundi, bien évidemment. C'est un système qui perd. Nous sommes en train de parler du Burundi. Là, nous sommes vraiment bien circonscrits. Je ne pense pas qu'on parle de l'Allemagne ou de la Belgique. Il y a plusieurs pays qui connaissent encore ce système où la vie. Mais la il faut voir comment ça fonctionne. Parce que le système est républicain. Il faut voir comment ça fonctionne. Normalement, le roi, comme par exemple en Allemagne, même en Belgique, le roi est là, mais vous pensez qu'il y a une reine. Ben, c'est pareil. Mais vous pensez que. Il y a un président symbolique. Oui, bon, symbolique. Je voulais parler de l'Angleterre. Oui, Il y a une reine. Voilà. J'ai confondu l'Angleterre et l'Allemagne. Mais il faut voir comment ça fonctionne. C'est le premier ministre qui a tout en main et qui gère le gouvernement. Donc il est là, c'est juste quelque chose qu'on a gardé comme symbolique. Et ça a une histoire et ça a un sens. Et je ne voudrais pas justement entrer dans ces histoires d'autres pays parce qu'ils ont leurs valeurs, qu'ils défendent. Et on ne peut pas vraiment les en vouloir pour autant. Mais pour le cas d'espèce, pour ce qui nous concerne, j'ai dit que la royauté est un système du passé et qu'il y avait des valeurs. Et ces valeurs qui sont recommandables, même dans les nouveaux systèmes. J'ai parlé de certaines valeurs, l'héroïsme, la cohésion sociale, la fraternité, l'amour de la patrie. Ce sont des valeurs qui devraient normalement être copiées. Donc, copier les choses positives pour les adapter à la situation du moment. Mais dire qu'on peut faire revenir la royauté pour dire c'est fini les questions de la République du Burundi, je crois qu'on se tromperait. Et la société est dynamique. Nous avons quitté la royauté, la dynastie ganoise. Nous sommes entrés dans des républiques dites dictatoriales, avec des coups d'État où quelqu'un qui a la force, il renverse l'autre et puis il règne. Et après, nous sommes actuellement dans le système démocratique, qui a aussi ses hauts et ses bas. Oui. Mais ce qui importe, c'est quoi ? C'est puiser dans tous ces systèmes ce qui est positif, et ce qui est recommandable, ce qui est susceptible de faire avancer la société. Si la royauté, vous jugez que ça peut faire avancer la société, il faut démontrer ça, il faut convaincre. Mais je crois que plutôt il faut... C'est le peuple qui pourra trancher peut-être. C'est ça que la Constitution dit. Non plus. L'ambassadeur fait un plaidoyer pour ça. Non c'est plus. Le peuple qui va décider. Pas moi, le parti. Le parti. S'il non. parvient à nous convaincre. Exactement. Oui. Si je ne convainc pas... Vous m'avez interrompu. Je m'excuse. Non plus, je ne dis pas que le système démocratique actuel... Et sans faille. Mais il a des limites quand même. Il ne faut pas confondre la démocratie. En science politique, on dit que la démocratie, oui. c'est le système, le moindre mal. Ce n'est pas qu'il est, il est, il est meilleur. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression que vous confondez la démocratie et la République. Ça n'a rien à voir. Parce que dans... Par contre, moi, j'ai montré comment on a cheminé. J'ai montré comment on a cheminé. On a passé par les républiques dictatoriales. Maintenant, nous sommes dans un système démocratique où on accède au pouvoir par les élections et non pas par les coups de force. Donc, moi, je ne confonds rien. Je suis en train d'expliquer que royauté, j'ai dit qu'il est du passé. Nous sommes passés par ça. Et il y avait des choses positives comme il y avait des choses négatives. Tout à fait. Nous sommes passés par les républiques dictatoriales. Ce temps est révolu. Je crois que ça ne va pas revenir. Comme vous n'êtes Maintenant, pas dans mon parti politique. Nous sommes dans un système démocratique. Dans notre coalition, par exemple, le système actuel, c'est une démocratie du nombre. Je crois que personne ne peut me contredire. Mais nous nous centrons l'attention sur la dignité de l'homme. Et ça, c'est par exemple, si vous êtes ici pour militer pour la royauté, moi, je peux être ici justement... D'ailleurs, je suis ici pour militer pour un système qui pourrait peut-être être une solution. Et ça serait peut-être une autre émission. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir ici, je crois que ce qui importe, ce qui est fondamental, c'est de trouver ces valeurs positives qui ont même toujours caractérisé les Burundais, la fraternité, l'amour, la compréhension mutuelle et... Évidemment, prendre ces valeurs positives pour bâtir un système qui pourrait rassurer tout le monde. Parce qu'on peut parler de démocratie sans démocratie. On peut parler d'un système démocratique, mais ça serait vraiment difficile si on mélange ce système-là par des exclusions. C'est l'absolutisme dont on a parlé en tout. Donc, vous comprenez quand même que ça n'arrangerait personne. Donc, monsieur Honorable, vous comprenez que... Le concept de démocratie n'a rien à voir, n'est pas seulement pour la République. Parce que, est-ce que c'est valable aussi pour la royauté. Pour la monarchie pour aussi. Pour la monarchie. Mmh. Exactement. Le concept j'ai pas nié ça. Parce que vous-même, vous avez dit que... J'ai pas nié ça, mais j'explique. Non, parce que le principe. Vous semblez privilégier le système républicain parce qu'il est plus démocratique. C'est ce qui n'est mais pas c'est vrai. Pas ça. Ce n'est pas comparable. Ça. Parce que vous-même, vous avez vous dit ne m'avez que pas compris, malheureusement, la République mais... dictatoriale. Il y a eu des républiques je pense qu'on parlait de l'histoire du Burundi. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a eu des coups de force justement, et qui ont amené les gens au pouvoir, justement. Qui ont géré le pays après avoir pris le pouvoir par force. Donc, et vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui, on accède au pouvoir par des élections. Donc, ce concept de démocratie, nous le partageons avec tous les systèmes qui peuvent exister. Et une autre chose que je voudrais dire à Honorable, c'est que mais au niveau de la royauté, quand même, le père, le fils succédait à son père. Oui. Il n'y avait pas d'élection, le il n'y avait monarchie, pas de consensus. Laissez-le au parti monarchique. Ça, c'est ce qu'on appelle la monarchie absolutiste. Il n'y avait pas de consensus. Il ne faut pas quand même confondre les choses. Mon ami. Il y a des monarchies parlementaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de monarchie absolue. Aujourd'hui, il y a des monarchies parlementaires partout dans le monde. Non, il y a dans certains pays des monarchies absolues. Chez les Arabes. En Asie et chez les Arabes, il y a des monarchies pas absolues. Pas en Afrique quand même. En Europe. Donc, ce problème du parti monarchique parlementaire, laissez-le aux membres de son parti, ils sauront comment justifier que son parti peut fonctionner et qu'un système comme cela peut fonctionner. Vous avez le droit de dire que c'est du passé. Non, quand vous mélangez, quand vous mélangez quand même les choses, on ne peut pas... Mais ce n'est pas moi qui mélange, c'est vous-même qui mélangez. Vous mélangez les choses quand vous parlez de démocratie dans la royauté. Il faut nuancer, parce que si nous parlons aujourd'hui de ce système démocratique où on accède au pouvoir via les élections, ça c'est l'un des indicateurs, bien sûr, d'une démocratie. Sinon, s'il faut épingler le mot démocratie, c'est vraiment beaucoup de choses, parce qu'il y a la bonne gouvernance, il y a l'état de droit, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais vous avez compris, ambassadeur, que même s'il y aurait la venue de la monarchie, encore une fois, au Burundi, que ça ne pourrait pas se transposer tel que... Non, ça serait un recul. Personne ne veut faire parce un recul. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre accéder au pouvoir parce que ton père était président et que tu dois le devenir. C'est ce que je voulais clarifier. Est-ce que vous savez que dans les monarchies, les rois ont un pouvoir juste symbolique pour symboliser la nation, uniquement. Mais comment ils accédaient au pouvoir, c'est une autre réalité. Ce que vous êtes en train de nier. C'est un des aspects de la monarchie, peut-être, qui pourrait être revisé une fois que le système est accepté par les Burundais. Aloïse Batungwanayo. Je m'excuse. Je voudrais dire que dans une monarchie parlementaire, le roi a juste le rôle de symbole. C'est le premier ministre et le parlement qui dirige. Lui, à la limite, c'est votre vision. Et nous avons besoin des gens qui agissent et non pas des symboles. C'est votre vision, c'est à vous de convaincre les Burundais pour que ce système soit une réalité. Vous voulez confondre le pouvoir et le symbole. Aloïse Batungwanayo, on parle justement des exploits de certains monarques burundais et on parle aussi d'un système républicain actuel. Est-ce qu'il y aurait des obstacles pour que ces exploits puissent inspirer les dirigeants actuels? Non, il n'y aurait aucun problème. Aucun obstacle, mais la plus grande chose à faire, c'est d'abord connaître. C'est bien étudier comment étaient organisés les systèmes monarchiques. Comment sont organisés aujourd'hui les systèmes démocratiques. Parce que le système démocratique, même dans le monde, n'est pas organisé de la même façon. Il y a un système démocratique au sein d'un même parti, au sein d'un parti unique. C'est le cas de la Chine, par exemple. Il y a un parti unique, mais il y a démocratie au sein même de son parti, parce qu'il y a l'alternance, il y a les valeurs démocratiques, il y a les valeurs de gouvernance, et comme il venait de le dire. Mais pour nous, qu'est-ce que nous pouvons garder de ce système monarchique? Il faut voir comment est-ce que ce système était gouverné, quelles sont les valeurs que nous pouvons réédité aujourd'hui. Moi, je ne dirais pas, je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas politicien, je ne vis pas de la politique. Je ne suis pas contre le régime démocratique. Non plus, je ne suis pas contre le régime monarchique. Mais moi, je regarde quel est l'intérêt de la population, des citoyens. C'est tout. Et là, il faut voir, nous sommes aujourd'hui un système démocratique. Est-ce qu'il y a... Républicain, pour moi, peu importe. Aujourd'hui. Peu importe, que ce soit républicain ou monarchique, mais d'abord, le système démocratique. Vous centrez l'intérêt sur la population, l'intérêt de la population. Qu'est-ce qui est bien pour la population? Est-ce que la population, comme Célestin le disait, est-ce que la population a sa dignité? C'est ça, en fait. C'est la base. C'est ça que je dis. C'est la base. Pour moi, peu importe que c'est... le système monarchique, républicain, le système censitaire, je ne sais pas, ainsi de suite. Regardons, est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'esprit de dialogue? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le respect des droits de l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la séparation des pouvoirs? Parce que sous le régime monarchique, il y avait la séparation des pouvoirs. Nous avons des légendes qui nous montrent comment les Bashinganahe, qui étaient institutionnalisés, avaient un mot à dire, même contre le roi. Donc, et se dire... C'est l'indépendance de la justice. Ben oui, et se dire, comment est-ce qu'on peut rééditer... La lutte contre l'impunité. Oui, comment est-ce qu'on peut rééditer ces valeurs exemplaires ? Mais pas dire non, on doit retourner dans le système monarchique, non, on doit retourner dans le système sans système. Non, mais voir quelles sont les valeurs et les rééditer et les suivre. Voilà. C'est ça l'important en fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour c'est y justement arriver, les valeurs positives dont j'ai parlé. Hein? Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ? Parce que nous sommes vers la fin de cette émission. Pour y arriver, pour moi, je dis regardons, est-ce que Moïse Guissaou ou les autres même avaient un esprit de dialogue. Est-ce qu'ils avaient un esprit de respect des droits de l'homme ou la séparation des pouvoirs et de dire, est-ce qu'aujourd'hui nous en avons ? Est-ce que nous pouvons suivre ce legs ? Parce qu'un legs qui a une valeur n'est pas le suivre, c'est normalement se détruire. C'est détruire ton histoire. C'est pour cette raison, je dis, revisitons notre histoire, revisitons le système de gouvernement qu'il y avait, le système de gouvernance qu'il y avait, et voir les bonnes choses, voilà, les rééditer, et les mauvaises choses, les bannir. Ambassadeur Guillaume Elzovio, comment faire pour que les valeurs d'antan qui ont été véhiculées, notamment par Moïse Guissaou, puissent inspirer les politiciens burundais, les leaders burundais actuellement? En fait, moi, je crois que c'est la devise même de mon parti. Le parti qui dit le roi et les Bashinganai. En fait, le roi doit s'entourer. Les Bashinganai ou les Bagabo ? Ou les Bagabo, c'est la même chose pour moi, les Bagabo. N'entrons pas, s'il vous plaît, dans l'étymologie des mots. Bashinganai, mais c'était une institution. Mais aussi, il ne faut pas entretenir la maritime. Oui, Bashinganai, c'est vraiment une institution, ça, il faut le dire. Mon parti a comme devise le roi et les bagabos. Mais pour pour moi, ces bagabos, il y avait des dents des Bashinganai. Parce que ce sont des gens qui étaient choisis pour leur probité, leur sens de la justice, leur sens de la vérité. Donc, en réalité, si nous nous inspirons de notre passé pour réellement trouver des personnalités qui remplissent ces valeurs de vérité, de probité, de justice, qui entourent, n'est-ce pas, le dirigeant à tous les niveaux, depuis le président de la République jusqu'au niveau le plus bas, nous aurons appliqué certainement Les principes qui ont guidé le Burundi, le royaume du Burundi, depuis Moïse Guissaou. Nous avons besoin de bagabos, les vrais gens qui n'ont pas peur de dire la vérité, qui doivent avoir l'œil fixé partout sur la société burundaise, qui doivent aider le dirigeant à diriger, pour qu'il ne dirige pas à l'aveuglette. Donc, nous devons considérer notre passé comme riche, très riche, et nous devons absolument puiser dans ce passé pour pouvoir dire, eh bien, nous sommes sur les traces de nos rois qui ont bien dirigé le pays, qui ont connu beaucoup de problèmes, mais qui s'en sont sortis et qui avait d'abord le sens de la nation avant toute autre chose. Merci, honorable Pierre-Célestin Ndikoumana. Comment faire pour que vous puissiez vous inspirer de l'héritage de certains monarques comme Moïse Guissaou la gestion de la chose publique ici au Burundi? Oui, je l'ai dit qu'il faut vraiment bien analyser et trier ce qui était positif pour justement l'adapter au contexte actuel et cheminer vers justement le positivisme. Et la société est dynamique. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut corriger ? Il ne manque rien, sauf qu'il manque peut-être à certains hommes politiques la volonté. Et parce que l'homme, comme le disait Rousseau, l'homme est naturellement, bon, c'est la nature qui le corrompt. Il y a quand même toutes ces histoires de dédication dans les partis politiques qui interviennent dans la gestion de la chose publique. Donc, ce qui importe, et ce que je juge fondamental, c'est que quand même les gens aient la question la plus fondamentale. Quels sont les besoins de la société ? Est-ce que la société a besoin de quoi ? Je crois qu'elle a besoin de la stabilité. Il a besoin de la stabilité. Vous rejoignez l'idée d'Aloïse Batungwanayo. Et bien évidemment, mais dans un système... Dans un système, parce qu'il faut aussi jeter un regard dans le dynamisme social et politique pour ne pas faire marche arrière, pour ne pas faire des reculs. Il faut un système qui place, je le dis et je le répète, et nous militons pour ça, un système qui place l'homme au centre de tout, un système qui centre la dignité de l'homme au milieu de tout. Qui se base sur ça. Et nous parlons de la démocratie anthropocentrique, une démocratie qui est justement centrée sur la dignité de l'homme, une démocratie qui respecte l'état de droit, une démocratie qui respecte la société, qui permet à la société d'exercer en même temps ses droits et ses devoirs, et de façon équilibrée, équitable, sans qu'il y ait exclusion, comme on le voit aujourd'hui, comme on le voit actuellement. On chante la démocratie, mais il y a des textes qui sont fabriqués, je mets entre guillemets, qui prônent l'exclusion. Donc, il faut bannir tout ça, il faut bannir l'exclusion et positiver les choses en copiant ce qui est positif et en bannissant, bien sûr, ce qui est négatif, comme même les autres l'ont dit. Voilà, il faut vraiment avoir toujours ce regard-là. De quoi est-ce que la société a besoin? On n'a pas besoin de chefs symboliques, on a besoin de chefs qui organisent la société et qui prônent les avancées de la société, qui font progresser la société. Voilà. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous discutions autour de l'héritage de Mezi Gisabo, un monarque décédé il y a 110 ans, qui a été marqué par beaucoup de mérites. Dans notre studio, nous étions avec trois invités. Nous remercions l'ambassadeur Guillaume Luzovio, qui était représentant du parti monarchique et parlementaire du Burundi, qui est en même temps président de son parti. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous remercions également l'honorable Pierre-Célestin Dikoumana, président du groupe parlementaire de la coalition Amizero Burundi. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie. Je remercie aussi à ceux qui m'écoutent, tout en les encourageant de prôner pour la démocratie anthropocentrique. Nous disons également merci à l'historien et chercheur Aloïse Batungwanayo. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque. C'est moi plutôt qui vous remercie. Au micro, c'était à l'animation pacifique Chubahiro. Jérôme Niyonzima assurait la réalisation. Eric Ouimana était du côté de la technique. À vous tous qui étiez à l'écoute de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons de continuer à suivre nos programmes. Mosaïque.